young booba got the sauce. L'amour que je n'ai pas, je pourrais pas le créer. Faut pas m'en vouloir si je ne veux pas m'engager. Si tu ne peux pas m'arranger, faut pas me déranger. T'as des sentiments pour moi qui ne sont pas partagés. C'est vrai que je t'aime beaucoup, mais beaucoup d'amitié. Si je te dis que je suis désolé, ce n'est pas de la pitié. Tu diras que je suis égoïste parce que je t'ai friendzoné. Moi je te dis que je suis égoïste parce que je vais pas me donner. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau, cadeau, mais j'suis pas une offrande. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Et je sais que ça t'offense. Ça va parler, oh, ça va parler. Ça va parler, papa, ça va parler. Si je leur montre que j'suis heureuse, ils seront pas heureux. Si je leur montre que j'suis malheureuse, ça les rendra heureux. Ça va parler. Ce soir la lionne est de sortie, donc j'ai sorti les griffes. Haute couture, de la tête aux pieds. Je leur donne pas l'heure, ma montre vaut plus d'un an de loyer. Mon ami faut me laisser, là je suis débordée. Personne va rentrer dans ma vie juste pour décorer. Si j'ai blessé ton ego, faut me le pardonner. Mais je vais devoir me répéter, je pourrais pas me donner. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau, cadeau, mais j'suis pas une offrande. Cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. Et je sais que ça t'offense. Ça va parler, oh, ça va parler. Ça va parler, papa, ça va parler. Si je leur montre que j'suis heureuse, ils seront pas heureux. Si je leur montre que j'suis malheureuse, ça les rendra heureux. Ça va parler. Ça va.